Jean Leclerc s'est installé pour nous présenter Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. On sait que le président Yende est mort, mais on ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il a été suicidé, si je puis employer cette expression. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux, il est en vie. Cette semaine, les crimes d'Henry Kissinger. Du Chili à Chypre, du Bangladesh au Vietnam, quatre crises majeures pour la diplomatie américaine. Vous en foutez du tout. En Amérique, vous prenez une aspirine comme ça, parce que vous pesez 100 kilos. Moi, en petit vietnamien, je prends une aspirine comme ça, parce que je ne pèse que 50 kilos. Il en est de ces gens qui ont la dent dure et le coup de mâchoire vindicatif. Prenez un bonhomme comme le journaliste Christopher Hitchens. À la question « Henry Kissinger doit-il être déféré devant le tribunal international de La Haye pour crime de guerre, crime contre l'humanité et pour conspiration impliquant le meurtre, l'enlèvement et la torture ?» Cri-cri répond que oui. Oh, il ne se contente pas, soyez-en sûr, d'une réponse aussi maigre. Il accrédite, il étaye. Nul doute que ce surdiplômé en philo, Sciences Po et autres sciences éco a pris l'habitude, du temps où il n'était encore qu'un jeune étudiant à Oxford, de revenir sur le métier autant de fois qu'il était nécessaire. Oxford n'est pas réputé pour distribuer les diplômes comme des bons lessives. Aussi, le travail de Christopher Hitchens se fonde sur des documents secrets récemment déclassifiés par les autorités américaines. Si ceci devait être utilisé au cours d'un éventuel procès, nous aurions alors l'occasion de mesurer toute la solidité de l'argumentation de Cricri contre Riton. Mais nous n'en sommes pas encore au carnage. Retenez tout de même qu'en date du 30 janvier 2001, le Washington Post, le très célèbre et très fameux Washington Post, titrait à propos du bouquin « Une bombe lâchée sur Kissinger ». Et le Guardian n'était pas non plus en reste, puisqu'on pouvait y lire en substance. Dans son nouveau livre explosif, Christopher Hitchens explique pourquoi Henry Kissinger, vénéré comme un chef d'État, invité et choyé par les grands de ce monde, doit être poursuivi pour crime contre l'humanité. Alors bon, nous sommes d'accord, le Guardian ne se mouille pas, mais on le sait, c'est en la ressassant et en la rabâchant que toute information, informelle par définition, prend peu à peu corps. L'avenir nous éclairera peut-être. En attendant, c'est vers le passé que nous allons nous tourner, puisqu'aujourd'hui, il sera question d'un des nombreux dossiers où la présence de Henry Kissinger est évoquée, la crise de Chypre. Transportons-nous en 1974. Chapitre 1. Curriculum vite fait d'un petit atoll rocheux rudement stratégique. Oui, commençons, si vous le voulez bien, façon carte postale, comme si l'humain n'existait pas, tout au moins pas encore, comme si Sapiens ne répondait pas à l'appel. On le sait, inexorablement, il arrivera à pied, à cheval, en bateau, il prendra possession, il sera jalousé, il jalousera lui-même, il se défendra, et ainsi de Caribe en Scylla. Oui, faisons un instant sans Sapiens. De toute façon, rassurez-vous, il aura tôt fait de débarquer et ça se noircira d'ici. Alors, sans Sapiens donc, Chypre est considérée comme la troisième île de la Méditerranée sur le plan de la superficie. Troisième après la Sicile et la Sardaigne. Quand on précise que, baignant la partie orientale de la Méditerranée, Chypre est toute proche des côtes du Liban, de la Syrie et de la Turquie, on sent que la carte postale perd déjà en ensoleillement. On sent bien que, oh, pas tout de suite, mais d'ici la fin de la journée, ça pourrait bien nous tourner à l'orage, cette affaire. Les marins qui flottent sur la Grande Bleue le savent et se le disent. Elle est traite, la bourresse, faut se méfier. Les zéphyrs y sont tournants, imprévisibles parfois, dangereux presque toujours. Et oui, ce sont les pâles et puissants sujets de sa gracieuse majesté Victoria, alias la prude, alias la pudibonde, alias la pénible, qui héritent en 1878 des Turcs l'honneur et l'avantage d'occuper et d'administrer l'île en contrepartie d'une garantie militaire contre toute attaque russe. Déjà, les Russes, bah oui. Les habitants de Chypre, les Chypriotes, demeurent toutefois sous souveraineté ottomane, donc turque, mais la plupart se considèrent grecs. Ah bah oui, on vous l'avait dit, hein, l'humain est dans les parages et aussitôt l'air s'alourdit. Donc, lorsque l'Empire ottoman se range aux côtés des Allemands et déclare la guerre aux Alliés en 1914, Londres dénonce le traité de 1878 et annexe l'île et Chypre devient colonie de la couronne. Au lendemain du second conflit mondial, la population se compose de 80% de Chypriotes, de souche grecque, et 20% d'origine turque. Environ, hein, à peu près, aux alentours, on les a pas comptés, hein, c'est pour donner l'idée. Du coup, la Grèce dit un beau jour aux Anglais, « Bon, bah allez-y les gars, rentrez chez vous, on va s'autodéterminer comme des grands ». Les Anglais disent « Non, non, on est bien là, si on remonte, on va prendre froid ». Le ton monte, on ressort les canifs et les gourdins, et on se fout une toise. Comme tout le monde est très fort et très fier d'être très fort, on dit pouce, il faut négocier. Ça négocie, ça solutionne, l'île devient indépendante et voit son autonomie garantie conjointement par la Turquie, la Grèce et la Grande-Bretagne. Formidable. Monseigneur Makarios en devient le premier président. Le document qui s'ensuit, la Constitution, est un peu épais, relativement pluriethnique et totalement inapplicable. Makarios tente le grand chelem en voulant transformer la République communautaire en un État unitaire. Les Turcs lui disent d'aller se faire voir chez les Grecs, façon de parler bien sûr, et les Grecs pendant ce temps-là. Chapitre 2. Athènes avait découvert la démocratie. La Grèce l'a perdu en chemin. Eh oui, les colonels ont pris le pouvoir en Grèce, installant leur dictature. Au nombre des cibles, Monseigneur Makarios pour son combat en faveur de l'indépendance nationale. Monseigneur Makarios, président de Chypre, échappe à un premier attentat en 1970. L'année suivante, le général Grivas, fondateur des groupes armés EOKA, s'infiltre dans l'île. À peine Makarios est-il réélu que le 15 juillet 1974... Η εθνική φρουρά αυτή τη στιγμή είναι κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Όποιος φέρει μικροαντίσταση, στο εξής θα εκτελείται. Τονίζεται και πάλι ότι το θέμα είναι εσωτερικό. Εντός σε λίγο θα μεταδοθεί διάγγελμα προς τον ελληνικό κυπριακό λαό. Eh oui, la radio l'a annoncé, un coup d'État a renversé le pouvoir en place. Les militaires non seulement prennent le pouvoir, mais aussi la parole. Et quand un militaire prend la parole, ça ressemble pas mal à un militaire qui prend la parole, quoi. Bon, bien sûr, il y en a qui sont pas comme ça, hein, on le sait, mais enfin, on en écoute un qui est comme ça. Ceux-là, ils font toujours beaucoup plus de bruit que les autres. Όχι χαμένεις πατρίδος, αλλά σκλαβωμένεις πατρίδος. Συγχρόνως δε και την βεβαίωση πως ο κυπριακός λαός θα συνεχίσει τον αγώνα του ώστε να αποκτήσει πατρίδα ελευθέρα. Je devrais taper aussi du poing sur la table, ça provoque les applaudissements. Enfin, du coup, les médias se tournent vers, vous ne devinerez jamais, Chypre. Ah, comment vous avez fait ? Vu de Beyrouth, à 200 km à peine à vol d'oiseau de la capitale chypriote, le coup d'État de Nicosie risque, estime-t-on ici, d'avoir certaines répercussions sur la situation générale en Méditerranée. Makarios, en effet, entretenait de bons rapports avec les Soviétiques. Et il y a quelques jours d'ailleurs, l'on estimait dans divers milieux diplomatiques que Moscou appuierait l'ethnarque au cas où le fossé s'élargirait davantage encore entre Makarios et le régime hellénique. Provisoirement, le coup d'État réalisé ce matin et la mort de Monseigneur Makarios font oublier les répercussions que la situation de ces dernières semaines aurait pu donc avoir côté soviétique. Mais à plus longue échéance, ou même à très brève échéance, on peut s'interroger sur ce que fera Moscou. Eh oui, on cause de Chypre dans le poste, et on a beau changer de poste, changer de fréquence, devinez de quoi qu'on cause. Rappelons que Chypre est membre du Commonwealth britannique, le ministre des Affaires étrangères, M. Callaghan, a fait part au Parlement de ses craintes que la mort de l'archevêque Makarios ne soit confirmée ajoutant qu'il déplorait des actes de la sorte contre un éminent chef d'État de cette organisation. M. Callaghan a précisé qu'il avait rappelé au gouvernement grec et turc leur engagement formel au terme du traité d'indépendance de Chypre, dont Londres est également signataire, de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'île. Oui, parce que on est chez vous, mais on n'aimerait pas que vous nous bousculiez, hein, normal. Hein. Bon, sinon, à part ça... Les quatre bases militaires dont la Grande-Bretagne est responsable au nom de l'OTAN à Chypre sont saines et sauves, a ajouté M. Callaghan, ainsi que les nombreux résidents et touristes britanniques. Mais l'aéroport de Nicosie étant fermé et les vols à destination de Nicosie étant suspendus au départ de Londres, des délais de transport seront inévitables. Oui, c'est ça qui est pénible avec les coups d'État, ça vous donne un retard sur les vols, c'est absolument insupportable. Bon, et puis attendez, là on parle encore de Chypre. Tandis que la Grande-Bretagne s'efforce de faire convoquer le Conseil de sécurité des Nations Unies tout à l'heure, la mort de l'archevêque Makarios n'est pas officiellement confirmée à Washington. De Beyrouth, d'Angleterre, d'Amérique, vous pouvez tourner le bouton, c'est partout pareil, tout le monde n'a plus qu'un nom à la bouche, Chypre. Bon, seulement, comme toujours, en état de crise, les informations sont contradictoires. Les communications avec Chypre sont coupées. Et c'est par l'île de Rhodes qu'on reçoit des nouvelles. Le palais présidentiel à Nicosie est encerclé par les hommes de la garde nationale et il nous est impossible de savoir si Makarios est mort ou vivant. Ah bah vous voyez, tout à l'heure, il était complètement mort. Plus maintenant. Donc on guérit vite à la radio. Hein. Les batailles de rue ont eu lieu au courant de la nuit dernière. La radio de Chypre a émis, tard ce matin, une proclamation adressée au peuple cypriote par le commandant de la garde nationale. Oui, le commandant de la garde nationale, c'est celui qu'on a entendu tout à l'heure, hein, qui parlait en tapant du poing sur la table. C'est lui le commandant, voilà. Le porte-parole annonce les buts de l'intervention militaire. Changer les hommes de l'ancien régime par des personnes qui ont la confiance du peuple cypriote. Proclamer des élections dans un délai d'un an pour nommer un nouveau président. Et tout redeviendra comme avant, mais en mieux. La méthode est classique. Ce qui l'est moins, c'est la suite de l'affaire. Car en général, quand on prend le pouvoir par la force, c'est pour rester... Par la force, bien sûr. Alors, où cela peut-il bien pêcher ? Il faut vous mettre un peu sur la piste. Au cas, improbable certes, mais au cas où vous ne seriez pas au fait de la question chypriote, il faut savoir que le peut-être feu Makarios avait un très gros allié. Un très très gros allié même. Ça commence par UR et ça finit par SS, mais je ne vous l'ai pas dit. Hein, qui avait dit, si quelqu'un effleure Makarios, même de loin, si par malheur, ben nous on sort l'artillerie. Alors écoutez la suite de la dépêche, vous allez mesurer la complexité croissante de la crise chypriote. Il est peu probable que la Turquie accepte une décision unilatérale de la Grèce en annexant Chypre, ou si des troupes grecques venaient à débarquer à Chypre, il y aurait immédiatement une riposte turque, ce qui pourrait provoquer une conflagration générale. Voilà, un peu de musique pour se détendre peut-être ? Ah non, non, non, non. Au fait, avant, il y a une bonne nouvelle. Devinez un peu la bonne nouvelle. Ici la radiodiffusion de Chypre libre. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux. Il est en vie. C'est le président de Chypre, le seul qui ait été élu par le peuple. Nous supplions tous les peuples libres, toutes les démocraties du monde, tous les peuples civilisés, de nous aider à sauver la démocratie à Chypre. C'est une honte au XXe siècle d'être gouverné par un régime militaire. Peuple du monde, ne restez pas insensibles à notre situation. Nous vous supplions de nous souvenir de notre lutte, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour la démocratie. Nous faisons appel à tous les gouvernements démocratiques, à tous les syndicats d'étudiants et de travailleurs, à vous tous, de vous joindre à nous, afin de nous aider à sauver la démocratie de Chypre. Longue vie à notre alliance. Nous radiodiffusons sur les ondes moyennes, fréquence 917 kHz. Nous serons sur les ondes jusqu'à la victoire finale de la démocratie. Vous allez maintenant entendre la voix du président de la République cypriote, L'archevêque Makarios. Vasos Kostandinou joue la musique traditionnelle chypriote grecque. Quoique très ancienne, ses chansons, vu le contexte de l'époque, revêtent une importance extrême pour entretenir la culture grecque sur l'île. Et ses chansons sont aussi particulièrement appréciées sur le continent grec. Un récent concert à la télévision, en 1991, a battu tous les records d'audience. Chapitre 3. Après les Hellènes, les Ottomans. Des fois, c'est le contraire aussi. Ça dépend des époques. Le coup d'État qui amène la Grèce des colonels à envahir la petite île de Chypre met très rapidement le monde sur une poudrière. Mais il est dit qu'en cette année 1974, l'histoire en marche a décidé de mettre l'accélérateur. Les événements se suivent et s'entrechoquent. Bien sage et fidèle à son image, la radio romande décide de patienter un peu, de laisser infuser et de servir le résultat à l'auditeur une fois digéré, histoire d'y voir un peu plus clair. Archive numéro 16818, miroir midi du 14 août 1974. Un mois après le renversement de l'archevêque Makarios par la garde nationale chypriote, c'était le 15 juillet, les événements se sont donc sérieusement détériorés. On rappellera que c'est le 20 juillet que les forces armées turques débarquaient à l'aube sur la côte nord de l'île. Le même jour, le Conseil de sécurité des Nations Unies demandait à l'unanimité un cessez-le-feu, et quelques jours plus tard, les représentants de la Grande-Bretagne, de la Grèce et de la Turquie, les trois puissances garantes de l'indépendance de Chypre, se rencontraient à Genève pour se mettre d'accord sur un cessez-le-feu qui n'a été respecté que de manière sporadique. Voilà, autrement dit, par personne. Un observateur avait parlé tout à l'heure de déflagration générale, et bien c'était bien observé, la preuve par Henri Gerson. L'heure est en effet très grave pour la Grèce. Monsieur Mavros est rentré de Genève et au conseil de guerre de ce matin à Athènes, on a mis au point le plan de défense du pays. Il ne s'agit peut-être que d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Oui, vous l'avez bien entendu, le négociateur est rentré de Genève. Preuve que les négociations s'y sont déroulées. Il n'aurait pas menti à madame quand même. Enfin, négociation. On a tenté la négociation. Mais on s'est planté. Et pas qu'à moitié. Compte rendu, Urs Feller. La conférence de Genève a donc échoué, vous l'avez dit. M. James Callaghan l'a annoncé cette nuit au Palais des Nations à Genève. You will be as sorry as I am to hear that the conference has broken down and that at the moment there is no prospect of a resumption. Vous serez certainement aussi désolé que moi d'apprendre que la conférence de Genève a échoué et il n'y a aucun espoir de reprise dans l'immédiat. Il ne peut y avoir de solution militaire à Chypre. L'île est aujourd'hui prisonnière des troupes turques, mais demain, ces mêmes troupes pourraient être prisonnières de l'île. Le ministre grec des Affaires étrangères a lui aussi tenu une conférence de presse cette nuit au Palais des Nations à Genève. Le spectacle de cette session était misérable, sad, lamentable. La conférence s'est terminée par un échec complet. Le spectacle fut triste, misérable et lamentable. Quant au ministre turc des Affaires étrangères, il a tenu une conférence de presse ce matin à 11h à Genève, une conférence de presse qui a duré près de 50 minutes. M. Turan Güneş répond à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il y avait un lien entre l'échec des négociations de Genève et la reprise des combats ou la reprise des opérations de pacification, selon les termes utilisés par les Turcs. Nous avons demandé qu'on fasse tout de même certaines démarches diplomatiques pour que la Grèce accepte le principe d'une administration sur base géographique. Ceci n'a pas été obtenu par d'autres moyens diplomatiques. Donc c'est la raison pour laquelle probablement le gouvernement turc a vu qu'il ne restait vraiment pas d'autre voie diplomatique pour la résolution du problème. On a tenté la négociation, mais on s'est planté. Et quand une négociation plante, que reste-t-il? Des labours, des armes, des armes, des armes. C'est juste après, hein, la sueur, le sang et les larmes. Pour l'instant, on compte le matériel. Ivan Graff. En un mot, on peut dire que le rapport des forces est de 1 à 3 ou à 4 en faveur de la Turquie. À quoi il faut ajouter un net désavantage stratégique et géographique pour la Grèce. Une frontière au nord-est, un découpage territorial difficile à défendre et surtout le grand éloignement du théâtre potentiel d'opération. Des précisions, maintenant la Grèce dispose de 160 000 hommes et de 210 000 réservistes qui sont donc mobilisés. La Turquie de 445 000 hommes et de 800 000 réservistes environ en partie mobilisés. Peau de terre contre peau de fer, David contre Godzilla. La Turquie, à l'époque, se rend-on compte, est la deuxième force de l'OTAN derrière les États-Unis. Je serais grec, j'envisagerais la désertion. Oh mais au fait, dans l'agitation, on en oublierait ses atouts. Quand ça barbe quelque part, on a un machin qui répare tout. Un machin. Vous voyez pas le machin? Mais si. Allez. Bon, on laisse Théo Loire nous raconter ce qu'a décidé le machin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution qui demande une fois de plus le cessez-le-feu à Chypre. Le Conseil exige l'arrêt immédiat des combats. Il demande également que les négociations suspendues à Genève reprennent sans retard en vue du rétablissement à Chypre de la paix et de l'ordre constitutionnel. Et puis ça, en général, quand ils demandent ça, je vous prie de croire que ça traîne pas. Hein. Alors, on a fait le tour de la maison. Ah mais non, il reste encore Paris. Ah, Paris, Montmartre, Pigalle, petite mademoiselle. Alors, comment ça va, Paris? Ça boum? Consterné à Paris, et particulièrement au quai d'Orsay, de la tournure prise par l'affaire de Chypre. Hier soir encore, la France, qui assume en ce moment la présidence de la communauté européenne, avait pris une initiative pour tenter d'éviter le pire. Elle avait réuni d'urgence au quai d'Orsay les ambassadeurs des neuf. Monsieur Giscard d'Estaing, rentré de la Côte d'Azur à Paris pour déjeuner notamment avec monsieur Chirac, va certainement s'entretenir tout à l'heure avec le Premier ministre de la situation. Et puis s'ils mangent pas trop lourd, ils vont nous trouver une solution. Hein. Non, sérieux, on vous disait que sur cette micro-poussière terrestre qu'est l'île de Chypre, ceci dit, sans mépris du tout pour l'île de Chypre, la déflagration en 1974 avait pris des allures de bombe à retardement. Vous allez l'entendre, le coup de fil du correspondant à Jérusalem, Jacques L., ne fait que confirmer tout ça. Première conséquence de la reprise des combats, l'aéroport de Lod a été fermé, plus aucun avion ne part, Les touristes sont en carafe. Les touristes sont déprimés. Et ces événements pour l'économie israélienne, déjà bien chancelante, sont catastrophiques. Qui voudra venir dans cette contrée où l'on se couche tranquille comme Baptiste pour se réveiller au son du canon? Il n'est encore aucune réaction officielle, il n'y aura sans doute pas. La règle étant de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État. D'autre part, les Israéliens considèrent que les Grecs et les Turcs sont également, mais pour des raisons différentes, pro-arabes. Alors? Ben oui, oh là là. Il y a des jours comme ça, on dirait que tout se lit pour apporter des mauvaises nouvelles. Ah, décidément, le monde tourne bien mal. Épilogue. Bonjour la crise, où est la sortie? Les USA lâchèrent les colonels grecs la même année, 1974. Quelques semaines plus tard, suite à des manifestations monstres et à la pression des USA, le régime des colonels s'écroula. Les USA préférèrent s'allier à la Turquie, pays bien plus puissant et plus proche des frontières des États socialistes qu'avec la Grèce, dont le régime était quelque peu branlant. Le nouveau régime grec, plus démocratique, dirigé par un vieux crocodile de la politique, le conservateur Karamanlis, évacua Chypre. Makarios revint, mais l'armée turque resta. L'île fut ethniquement partagée. Quelques 200 000 chypriotes grecs durent se réfugier dans le sud. Les morts se comptent aujourd'hui par milliers. Depuis, Chypre est divisée en deux États, entre lesquels un contingent des forces de l'ONU s'efforce de maintenir la paix. En 1983, l'État fédéré chypriote turc a été proclamé République turque de Chypre du Nord et s'est efforcé patiemment de détruire le plus possible toute trace de culture chypriote. Avec le temps, on y arrive. Enfin bon, rassurons-nous, 30 ans après, ça n'a pas pété partout, il y a eu beaucoup de morts sur place quand même, mais aujourd'hui, 30 ans après, qu'est-ce qu'on lit dans les journaux? Le bruit de bottes devient de plus en plus fort et la situation paraît explosive en Méditerranée. D'abord, en raison du conflit qui rebondit entre Athènes et Ankara, autour de Chypre, et de l'intention prêtée à Nicosie d'installer dans l'île des rampes de lancement de missiles solaires russes. Ensuite, à cause de l'accord de coopération militaire turco-israélien, qui ne manque pas d'inquiéter les pays limitrophes. Selon Christopher Hitchens, Sir Tom McNally, conseiller politique en chef du ministre des Affaires étrangères de l'époque, et James Callaghan ont depuis révélé qu'Henry Kissinger avait mis son veto sur au moins une action militaire britannique visant à devancer un débarquement turc. Mais c'est vrai, les USA venaient de lâcher les colonels. À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Première, et il est 14h.